joli, joli, pas sa fille. Joli, joli, joli, la musique. Joli, joli, joli, le cobra. Tatati à l'Africa. Joli, joli, joli, pas sa fille. Joli, joli, joli, la musique. Joli, joli, joli, le cobra. Tatati à l'Africa. Avec toi, donne-moi tes 30 ans qui ressemblent à 16 ans, mis à Kérida. T'en fais pas, tu conduiras tant. Recommençons comme la première fois. Puisque je n'aime que toi et que sans toi, chérie, je ne suis plus moi. force mbad, moi content dans ce rythme-là. Remonter la musique. Donc à sa joue, moi vita, moi content, chanter la biguine. La biguine. Jouer solo, moi content, danser la biguine. La cavalière m'appartient, vous pouvez danser, mais touchez pas mes yeux. On les mains, on les mains, on les mains. Mon mari est capable, attention monsieur, touchez pas moi. Mon cavalier méchant, attention monsieur, les mains en l'air. Wolola, wolola, wolola. Ma nana c'est méchant, rends-moi ma cavalière, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Wolola, wolola, wolola, wolola. De l'Afrique au Caraïbe, danser salsa mangwana. Wolola, wolola, wolola. Remonter, Charleston, Mistaringo. Bina la salsa, le ema ya papa nous font tindangwe. Oba cousin, ta cousin, bina ta danse. Wolola, wolola, wolola. A Japon, à Célène, à Paris, bina la salsa. Chez Saint-Prince, au Vatican, oye ma kori. Du moyen bouger. Dis moyen goûter, abat les méchants, viva musica, yeah. Exodus, ma banda ta succède. Ma samba c'est méchant, rends-moi ma cavalier, c'est pas sérieux. Ma samba, samba mwana, African Star. Les étoiles, chez Tabou, à Lomé, chez Zet. Remonter, remonter la musica, musica. Toto Bokulaka, Papa Armand, Bina Mundule. Oseli Zozo, Suka Banganda, Bina Musica. Cheki Tomi Maya, Nanya Kobute, Bina La Salsa. La Salsa. Dieu Ema, Ya Papa Nufontin Kangwe. Kinshasa. Oba Kuzi, Ta Kuzen, Bina Ta Danse. Operes, yoka masio, yoka me bango. Wolola, wolola, wolola. Wolola, wolola, wolola, wolola, wolola, wolola. Wolola, wolola, wolola, wolola, wolola, wolola, wolola, wolola. Yeah. Ça c'est la musique du continent. Na milengela Molili ekiti na moka kini balego sanza ekomonana Lelo samedi kana moka bomengo kolata na kobina Winda inga epeli felo ekonyo kola bilamba bikozinga Winda inga epeli felo ekonyo kola bilamba bikozinga kozika. Kinshasa mpaka ya Monzele, ah mama, oyo mboka ya Limpopo lokola Kinshasa. Basi ndembe, mibali ndembe, baleki ndembe, kulutu ndembe, Monzali molato, mokonzi molato. Tikanga na monisa na zwaka mpe, na zali mwana mboka mpe na vani na kapita. Oke chaze onemba e akobeta, lovi ya longomba e akoemba. Bebe ya lopeka e akopusa, sosoli soma jesi e machachai. Zaiko langa langa ukabashe. Madiata bisengo e nabaninga, apeti e kisomba borazima. Fonse kakasembe ipopoe. Dido libwa libwa akoemba, bela bela ya bandekoe bandekoe. Bakuba ya bakuba bakuba. Sele kundae tuzahina, la konga lopopo mwana ndome. Jeo malebo zembe zembe. Mantu la capitale na le peuple, SPP kwa la kwa na zinza. Lenzo ine komande UMC. Sana kitweni na kitweni, neko tabu national makiza. Basusu to embite imizae. Ambargo! Thank you. malamu. Josia, nasengi na yo amu. Josia, Josia, kombo mosusu je. Oh, masua teli.

Kwame, Kwame fils à papa, papa t'a donné boué, papa t'a laissé maison, papa t'a laissé fermer pour continuer son œuvre à Kwame. Tu es devenu fou d'argent, qui circule tout à Abidjan. La loi Kwame, San Pedro Kanyoa, jusqu'à Ouaga, à mon ami. Demain à Paris, après demain à Amérique, aujourd'hui aux Zaïre, qui est partout en Afrique. Papagné à Kwame me marié, n'est pas en Kwame, qui m'aime

Come minde ngambo Nyanza. Kilobo yo mabeni amure. Alena kamadie.